cours numéro 7. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. قال الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. هذا تقدم معنا لكن غلي cette partie. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليه. قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فمن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. قال فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك la voie de ceux qui suivent هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدعوة. قال فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. Celui qui néglige ce point et il fait aucun effort في الدعوة et ربما لا يهمه المنكر المنتشر, ربما des معاصي qui sont propagés autour de lui et ça lui fait aucune gêne, aucun mal. ولا يدعو إلى الله, il fait rien pour changer ces choses alors qu'il a la capacité. فهذا il a délaissé la voix du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dans ce point. لكن الله سبحانه وتعالى dans ce verset il a démontré أن هذه الدعوة elle est بعلم. قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. فالدعوة elle est بعلم. دعوة الرسل جميعا elle était fondée sur العلم, sur الوحي. ودعوة أتباع الرسل من الصحابة وأئمة الهدى كذلك leur دعوة elle est fondée sur العلم. قال وقوله على بصيرة. قال ابن الأعرابي البصيرة الثبات في الدين, وقيل البصيرة العبرة كما يقال أليس لك في كذا بصيرة أي عبرة. هذه أقوال أي pour expliquer البصيرة. فبعضهم قال الثبات في الدين أي être ferme, وبعضهم قال العبرة. وابن القيم رحمة الله عليه va résumer هذا. قال الشاعر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر أي عبرة. العبرة c'est tu prends des leçons. فمثلا on doit prendre des عبر de ceux qui étaient avant nous. فلهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز il cite قصص هؤلاء أي لغسيد السوكي تأبونه. لماذا؟ لأن في ذلك عبرة لأولي الألباب, عبرة لأهل الإيمان, c'est des leçons pour eux. قال والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة فإذا تبصر اعتبر فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. هذا كلام جميل. العبرة c'est le fruit du علم. فالسلوي كي على علم فلا شك أنه va tirer des leçons. لماذا؟ لأنه il saura pourquoi الله سبحانه وتعالى هلك قوم لوط مثلا, أو لماذا الله سبحانه وتعالى دمر فرعون ومن كان معه. s'il est à la علم il pourra déduire des leçons de cette قصة. فالعبرة c'est le fruit de البصيرة. وعلى كل حال ce verset قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة L'explication, c'est « al-ilm ». C'est ça qu'on doit retenir, « nahnu min hadhihi al-aya ». « Qala wa aslu al-lafz, ay al-basira, min al-zuhur wal-bayan, fal-Qur'an basair, ay adillatun wa huda wa bayan yaqudu ila al-haq. » Fal-ilm, c'est fondé sur al-wahi, la révélation. « Ay al-Qur'an » كلام الله جل وعلا السنة la voix du prophète محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة السنة du prophète صلى الله عليه وسلم c'est une révélation كذلك فالبصيرة c'est العلم العلم c'est fondé sur ces deux sources القرآن والسنة فلهذا قال فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق. Et c'est des preuves, il y a des arguments, des histoires, tout ça. إِذَا فَهِمَ الْمُؤْمِنُ وَاَعْتَبَرُ Et il applique les ordres, il s'écarte des interdits. فَإِنْشَاءَ il sera guidé sur la voie du haq. وَيَهْدِي إِلَى الرُّجْدِ وَلِهَذَا يُقَالْ لِلطَّرِيقَةِ مِنَ الدَّمِ أَلَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الرَّمِيَّةِ بَصِيرَةً. Tout ça pour expliquer ce mot « basira ». « Qala wa lihada yuqal li tariqati min ad-dam allati yustadallu biha ala ar-ramiyya » Ar-ramiyya, on peut donner un exemple, on a « as-sayd » Aïe, wahed qui chasse une bête, rubbama, il va lancer une flèche, si on donne cet exemple, sur cette bête, « wa hadhihi, ou hadha as-sayd, sayafir » S'il est touché, enfin, peut-être qu'il va se sauver. S'il se sauve, tu pourras le retrouver avec le sang, les traces de sang. هَذَا قَوْلُهُ وَلِهَذَا يُقَالِ لِلطَّرِيقَةِ مِنَ الدَّمِ الدَّمِ, c'est le sang. الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا Et ce sang, c'est un délil, c'est une preuve qui va nous montrer que cette bête, elle s'est sauvée en cette direction. Si واحد suit les traces de sang, peut-être qu'il retrouvera cette bête. هَذَا cette tariqa, et ces traces de sang, ils les ont appelées basira. Pourquoi? Les anna, c'est une preuve que cette bête, elle s'est sauvée en cette direction. Ibn al-Qayyim, il te cite hada pour te montrer anna al-basira, c'est l'ilm. Al-basira, c'est les preuves du Coran et de la sunna. قَالَ فَدَلَّتْ الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى بَصِيرَةٍ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ وَأَنَّ أَتْبَاعَهُ هُمْ أُولُو الْبَصَائِرِ ولهذا قال أنا ومن اتبعني وكل على حسب قدرته. Ça veut pas dire que celui qui a pas d'ilm, أنه c'est pas un mu'min ou il fait pas partie des suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, لكن celui qui fait aucun effort, بل il rejette l'ilm quand ce ilm lui parvient. أو عيادا بالله il déteste ce ilm, فلا شك أنه أنه il fait pas partie de أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أتباع الرسول même s'ils ont des faiblesses في العلم ils aiment العلم et quand ils sont conseillés بهذا العلم ils acceptent. Et هؤلاء المؤمنون ils doivent faire des efforts في طلب العلم apprendre هذا العلم حتى si ils font دعوة si ce musulman il parle il met en garde ou il appelle à une chose فسي بعلم. Il y en a comme من الناس إزام الخير يحبون الخير ويبغضون الشر والمعاصي. Et ça leur fait mal quand ils voient واحد qui désobéit Allah عز وجل ou il délaisse une obligation et ils interviennent لكن بجهل. Et هؤلاء كثيرا ils font plus de mal que de bien. Pourtant la niya elle est bonne. لكن le problème c'est quoi? أنهم ils sont pas à la بصيرة, ils sont pas à la علم. قال ولهذا قال أنا ومن اتبعني فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو أي أنا أدعو أي سر الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العطف لأجل الفصل فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي لعطف أنا ومن اتبعني. فبعض العلماء يزون دي c'est par rapport à, à, au premier point qu'il a cité معطوف على الضمير المرفوع أي أنا أي الرسول et ceux qui l'ont suivi ils sont à la بصيرة أي font دعوة على بصيرة. هذا سنقول. قال وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في السبيل أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك. سدوزيم قول أي سد voix c'est la voix du prophète صلى الله عليه وسلم et de ceux qui l'ont suivi. في الحقيقة سبا أنصمل. فلهذا قال وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. Qu'on l'explique avec le premier qawl ou le deuxième, As-Sabil, Ar-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui l'ont suivi, c'est quoi leur voie, leur chemin? C'est Ad-Da'wa. Bien sûr, Al-Ilm. Donc, on rassemble les deux aqwal, et ça donne ce tafsir Al-Jamil. Ala kulli hal, Al-Muslim, il donne de l'importance au ilm. Wa idha takallama, yatakallam bi-ilm. Et si il ignore un sujet, il ne sait pas, فليقل الله أعلم والحذر من الهوى ومن الحماس qui est fondé sur الهوى et vouloir défendre الحق لكن بجهل لأن هذا الدين y'a pas de place pour les passions من علم فليتكلم مشكورا et celui qui sait الله أعلم si ça te blesse ça te fait du mal tu vois des bid'a propagés tu vois du munkar répandu et tu as pas les preuves tu sais pas comment répondre. Tu sais que c'est le haq, lakin tu as une faiblesse vis l'istidlal, tu as un manque de ilm. Cette douleur, cette envie, ça doit te pousser à faire des efforts fil ilm. Wala tatakallam. Lianna parler bil ilm, enlever un munkar bil ilm, robbama tu penses ou tu penseras que c'est un munkar et fil haqiqa c'est pas un munkar. Robbama tu vas vouloir faire un bien et tu vas rajouter un mal plus grand. Et le ulama ils interdisent, alayhim rahmatullah, en se basant sur des adillats, d'enlever un munkar avec un munkar plus grand. Hada la yajouz. On n'a pas le droit à hada. Ala kulli hal, on fait des efforts fil ilm. On fait des efforts fil amal. Et on fait des efforts fil ad-da'wa. Tout ça avec des dawabit. Avec des règles bien précises qui sont citées fil kitab ou fil sunnah. Avec des conditions ma'roufa. Et al-muwaffaq man waffaqahullah. Al-aslu rabi'a. Quatrième fondement. Aïe. Ce verset est fondé sur quatre points importants. قال الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يهدون بأمرنا. Tous ces efforts, que ce soit في العلم أو في العمل أو في الدعوة, ça doit être fondé sur الوحي, pas sur الهوى. Pas sur al-mutashabih, pas sur al-ara, les avis qui contredisent des adillah ou qui ne sont pas fondés sur des adillah. Là, tout ça, ça doit être fondé sur al-ilm. Comme قال عز وجل, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا الاتباع, c'est اتباع des textes, pas d'un homme autre que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال ابن القيم وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب. فالاتباع c'est le suivi d'une même source, أي الوحي, la révélation, القرآن والسنة. C'est ça qui nous rassemblera. لماذا الآن هذا الاختلاف الواسع والتفرق الكبير في الأمة؟ Pourquoi cette division énorme dans la أمة؟ لماذا؟ لأن الاتباع il est pas واحد اهل الحق والسنه الحمد لله يسويف للتكست ثم تدخل اهل البدع والاهواء كل واحد يتعصب لمذهبه او لشيخه او لهواه فسا دوني بلوزيور غروب سكي ديفيز سي الهوى والجهل سكي ديفيز اما اهل الحق سي يفون ديز افور ولله الحمد في العلم والعمل Et ils font des efforts fi da'wa, ils ne se mélangent pas à Ahl al-Batil, c'est pas eux la cause de la division. Fata'ammal wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Li'anna ba'd al-juhal, ils pensent que Ahl al-Haq, Ahl al-Sunnah, c'est eux qui divisent. Et ils ne veulent pas se mélanger aux autres. Da'imani, ils répliquent, da'imani, ils mettent en garde. Hada la buddamina. Li'anna li'atis ou l'ishtima' aqsud, il doit être ala al-Haq. أما سويف أوتر كو سو حق سانو ديفيزرا. فلهذا قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سويف أوتر كو ما جاء من عند الله عز وجل القرآن والسنة سافا بروفوكي الخلاف. سي اون سو باز مثلا سوغ العقل سوغ لا غيزون. اون فو ديدوير الأحكام بالعقل. فاون فا شوازيغ لو عقل دو كي. Le aql de tel shir, le aql d'un autre, le aql de ton voisin, le aql de tes parents, tu vas suivre le aql de qui? Ou ton aql à toi? Alors, je sais qu'on a l'uqul kathira, ou l'ara kathira. Tu ne peux pas te baser sur ça. La seule chose qui peut nous unir, c'est le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Falihada amara Allahu azza wa jal fi al-Qur'an al-Karim, dans beaucoup de versets, qu'on doit obéir et suivre ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul moyen pour nous rassembler. فلا تغتر بدعاوى أهل الباطل في هذا الباب. Pardon, ils pensent qu'on doit se rassembler, les ma'adha, les anna, on vient du même pays, ou on a les mêmes origines. Ou on doit se rassembler, les anna, on est tous des muslimines. Eh ben, on doit se rassembler sur le haq. Si ce muslim, il se trompe, et contredit le haq, il doit faire tawbah et revenir. Amma se taire et se rassembler avec lui, alors qu'il ne veut pas revenir, voilà, ça fera du mal. Pourquoi? Le but, ce n'est pas le kathra. Ils font une erreur. Ils veulent que l'ummah se rassemble. Des millions. Un milliard, rubbama. Et on doit se rassembler. Et ils pensent que ça sera une ummah forte. Abadan. Le kathra, ce n'est pas le quwa. Là, le quwa, c'est le haq. Même si on est peu. Ils ont pensé, ou ils pensent, que plus on est, mieux c'est. Là, din, c'est pas fondé sur le kathra. Plus on est sur le haq, n'am, mieux c'est. Amma mujarrad kathra, fala. Qala ibn al-Qayyim, duna ghayrihi min al-aqwali wal-ara wal-nihal wal-madhahib. Fahdhar min hada. Ihdhar min al-aqwal qui sont pas fondés sur al-dalil. Et des avis qui sont pas fondés sur des preuves. Ihdhar. Ihdhar min التعصب لمذهب alors que ربما ce madhab dans ce point يخالف الحق بعضهم ils suivent un madhab et ربما c'est un imam un grand imam صاحب هذا المذهب et à la base il n'y a pas de mal de céder d'étudier son madhab et de suivre tant que ça ne contredit pas le haq لكن بعضهم ربما tu lui montres بالدليل بالحجة أن le قول أي قول هذا المذهب dans cette مسألة il contredit un dalil بكل وضوح فتجد بعضهم لا ils disent là le madhab il dit كذا. Est-ce qu'on fait passer le madhab avant la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? هذا c'est من الضلال. Là, même si tu as étudié ce madhab, même si ton pays suit ce madhab, si ce madhab يخالف الحق فتو دلس هذه المذاهب c'est pas الوحي. Là, ces madhahib, ils nous aident à comprendre. Et si ce madhahib est contredit le haq, il y a on délaisse. Bel a'immatu hadihi al-madhahib, qui sont propagés l'an, al-madhahib al-arba'a, fal a'imma, qui sont suivis, les quatre imams, eux-mêmes, ils ont mis en garde contre at-ta'assub, et de prendre leur qawl si contredit la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, al-atba' al-juhal, les ignorants qui suivent, ils ne sont pas à la ilm et ils pensent que tu n'as pas le droit de délaisser ce madhab. À la kulli hal. En fait, ils ont mis le madhab et cette voix de cet imam, ils l'ont mis au niveau de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ça le dhalal. Aqwal al-ulama, c'est pas al-wahi. Aqwal al-ulama, on cède avec ces aqwal بعد عون الله عز وجل pour comprendre. Si ça contredit, on prendra le qawl d'un autre. فمثلا سي في مذهب الحنابلة سو قول خالف الحجة فان بخوندغا قول دو الإمام الشافعي رحمة الله عليه أو دا نوتر المهم الحذر من التعصب. اعتقادنا نتعقيدة كذلك أعمالنا تسكن كوا أي notre conviction notre croyance كذلك nos œuvres tout cela ça doit être fondé sur الحجة والبرهان. أما délaisser الأدلة ne pas faire des efforts pour rechercher الأدلة et suivre aveuglément وإذا نصح الشخص s'il est conseillé il rejette فهذا إلي على خطر. قال عز وجل يهدون بأمرنا بقول فلان أو بمذهب أنت أبدا يهدون بأمرنا بأمر الله عز وجل أي القرآن والسنة. قال بل لا يهدون إلا بأمره خاصة فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. إلى غسمبلي توسي أصول صبر ويقين. الصبر سوف تكارتي دي شهوات. اليقين سوف تكارتي دي شبهات. faire des efforts في العلم وفي الدعوة et appeler à دين الله سبحانه وتعالى. قال بالوحي تأمل هنا. Il a démontré à tout ça, il faut avoir une bonne niya, bien sûr, et être à la il. La bil ara'i wal bida'. Al ara', c'est le pluriel de ra'i, et les avis. L'avis de un tel. Un avis, ça peut être haq, ça peut être faux, batil, khata. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est un avis qui est fondé sur le haq. Amma kam min ara' al ulama, il rejette. Ça peut être l'avis d'un imam, ça peut être l'avis d'un autre. Al-muhim yandurun. Falihada, al-imam Malik, rahmatullah alayhi, kana yaqul kullun yu'khad min qawlihi wa yurad, illa sahib hada al-qabr. Sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On peut prendre la parole de quiconque l'a rejeté. Même s'il a un fadl azim, même si c'est un alim, un abid, un zahid, un taqi, on peut prendre sa parole et on peut la rejeter. Limada li'annahu, il n'est pas ma'asoum. Cette menzila, le fait de prendre tous les aqwal d'une même personne, c'est menzilat al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, aghir. Al-hadr, insan yihdr, de ne pas placer un autre au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait attention de ne pas adorer autre qu'Allah, c'est du shirk billahi azza wa jal, l'anna Al-ibadah, c'est min khasa'isillah, azza wa jal. L'adoration, c'est réservé exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa nahdhar kadhalik, de ne pas suivre autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tout. Aïe, tout ce qu'il dit, c'est forcément haq. Et tout ce qu'il rejette, c'est forcément batil. La hadith, c'est manzilat al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux points sont importants, akhi al-karim. Qala, fahaulai khulafa'u al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam fi ummatih. وهم خاصته وأولياؤه ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. هؤلاء الأئمة العلماء ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam في العلم وفي الدعوة c'est العلماء ثم les autres c'est des suiveurs et هؤلاء كما قلنا ceux qui suivent العلماء ils doivent les suivre avec Al-Mawqif al-Sahih, sans exagérer, et c'est l'exemple qu'on a cité auparavant, est de prendre toutes les paroles de cet imam, ka'annahu, il est appuyé par la révélation, ou ka'annahu, il ne peut pas se tromper, ça c'est de l'exagération, wal-hadhar kadhalik, d'un autre extrême, annahum, ils ne respectent pas ha'oula. Annahum, ils ne connaissent pas qadr ha'oula, et ils ont un mauvais comportement avec ha'oula. Fal-ulama, ils ont des hukouq azimah. Limadha li'annahum sa'atba' ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont cités dans ce verset et dans d'autres. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa man ittaba'ani wa 'ala ra's ha'ula as-sahaba wa a'immat ad-din. Ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ha'ula qala hum khulafa' ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam fi ummatih. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. Les savants, c'est les héritiers des prophètes. هؤلاء, ils ont un حق sur nous. Pourquoi? C'est les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وهم خاصته واولياؤه ذلك c'est les personnes qui sont le plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لماذا? لانهم ils sont sur sa voie. كذلك c'est des اولياء. فلهذا قال ومن عاداهم او حاربهم فقد عاد الله سبحانه واذنه بالحق. Celui qui combat هؤلاء et les suiveurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, الحقيقة, il combat awliya Allah. Et celui qui combat awliya Allah azza wa jal, فالله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Et Allah lui déclare الحرب, la guerre. يحاربه في نفسه وفي ماله وفي أولاده, son cœur. وأين يذهب هذا الشخص سي واحد Allah subhanahu wa ta'ala, il lui déclare la guerre. Aïna, aïna yadhab. Allah subhanahu wa ta'ala, yuharibuhu avec des choses qu'il ne se rend même pas compte. Pourquoi? Les anahu, il combat awliya Allah, al-ulama. Fais attention quand tu parles de ahl al-ilm. Même s'il se trompe, même si tu n'es pas d'accord avec lui sur ce point, tant que c'est un savant de la sunnah, tant que c'est un imam de cette umma, fais l'ihtiram. On doit avoir un comportement. Même si on ne prend pas son qawl, on peut rejeter un qawl, lakin bihtira. Annahu il a fait un effort d'ijtihad, annahu il est récompensé bi idnillahi azza wa jal, comme a déjà vu le hadith, lakin le qawl d'un autre savant, il est aqwa. Et il est fondé sur un dalil, awdah, asah. On prend son qawl, et l'autre savant, on fait dua pour lui. Annallah subhanahu wa ta'ala, yujazi khayran, wa yubarik fi a'malihi wa umurihi, s'il est encore vivant. C'est ça le mawqif sahih. Amma wahid, il se trompe ou il n'est pas d'accord avec nous sur un point. Et khalas, al-hajr, wa-ta'n, wa-sab, wa-shatn, ça c'est pas min tariqat al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa awliya'ih, al-ulama. L'anna hada al-wa'id, et la menace que citait via hada al-hadith, al-haqiqa, c'est pas sahl. C'est pas sahl. Enfin, on fait attention à notre langue. Et on fait attention à l'hawa. L'essentiel, c'est qu'on suive al-haq. C'est pas que ce savant il a les mêmes paroles que toi, ou si il a une fatwa ou un avis qui contredit ce qu'on pense, forcément il est à la batil. Ça c'est le hawa. Alihada, nahnu da'iman nansah an avant de rejeter, avant de répliquer, ta'ammal. Peut-être que le taqsir il vient de toi. An a rejeté la parole d'un savant, si tu es à la jahl, c'est pas comme ça. Là. Le savant, il peut se tromper, bien sûr. Lakin, rejeter son qawl, ce rejet doit être bi'ilm. Les anna, si c'est un savant de la sunna, en général, il est takallam bi'ilm. Et rubbama, ce kalam, il a fait des recherches avant. Un wahid qui a un niveau en dessous de ce savant, et vient, il rejette précipitamment son qawl. Et rubbama, il va rejeter le haq dans beaucoup de masa'il. Fatta'anni. Et arrujou' ila ahli al-ilm. Avant de te précipiter, si cette parole de cet imam, tu penses qu'elle n'est pas fondée sur un dalil, ou c'est une erreur, ou il s'est trompé, ou al-muhim, tu ne l'acceptes pas, enfin, reviens à ahli al-ilm. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse les savants. Reviens à ahli al-ilm. Et ne rejetez pas la parole d'un savant si vous n'avez pas la parole d'un autre savant, pour fermer les portes. Wa illa, si on ouvre la porte, que le wahid rejette la fatwa qu'il veut, ou il accuse tel savant de s'être trompé, sans revenir à ahli al-ilm, Rabbama, un jahil, il va rejeter des aqwal qui sont fondés sur le haq. Fa'ala kulli hal, on revient à ahli al-ilm. Et on avait détaillé cette mas'ala wa lillahi al-hamd dans le livre La Risala qu'on a étudié ensemble, au soul Ad-da'wati al-salafiyya de Cheikh Abdussalam, rahmatullah alayhi. Cheikh Abdussalam, il a cité al-rujou' ila ahli al-ilm comme asl. Fata'ammal, un fondement. Un fondement de quoi? De da'wa salafiyya. Da'wa salafiyya, c'est quoi? C'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, kadhalik huna il le sait. À ne pas négliger ce point. On n'exagère pas. Kadhalik, on n'accuse pas. Al-wasat. Tant que c'est un savant de la sunna, bien sûr. Amma ahlul bid'a. Même s'ils ont du ilm, on ne revient pas à eux. Voilà, karam. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية C'est un livre parmi les livres de l'imam Ahmed. Al-Radd ala al-Jahmiya. Fal-ulama qadiman wa hadithan wa lillahi al-hamd yarudduna ala ahli al-batil. On a une réplique de l'imam Ahmed contre al-Jahmiya. Al-Jahmiya, c'est une secte, c'est un groupe égaré. Et on avait détaillé wa lillahi al-hamd dans un des cours qu'on a fait ensemble sur les sectes, ce groupe al-Jahmiya. قال رحمه الله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. C'est une khutba azime. الحقيقة elle est fondée sur des adillah. Et l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, imam أهل السنة, فإلى مستوى عالي في العلم وفي التقوى وفي الزهد. فكلامه إلى قوي هنا رحمة الله عليه قال الحمد لله c'est une ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. C'est une ni'ma que à chaque époque ولله الحمد il y a encore des savants بإذن الله عز وجل. On doit profiter de cette ni'ma et on doit être reconnaissant envers Allah عز وجل, reconnaissant en revenant à ces savants. Si on ignore, on leur pose nos questions. Fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. On les aime fillah. On les défend fillah azza wa jall. Celui qui les critique, qui les combat, on le déteste fillah azza wa jall. Limadha li'anna yakumba li awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Li'adha l'imam Ahmed qala alhamdulillah, c'est une ni'ma azima. Al-ulama, c'est une ni'ma pour toute la umma, lakin kathir min al-nas la ya'lamu. Kam min fitan bi'idnillahi azza wa jal, thumma bi'juhud ahl al-ilm, al-muslimoun, ils ont réussi à comprendre. Anna telle chose c'est batil, telle chose c'est haq, telle chose il faut s'écarter, telle chose il faut appliquer, telle chose il faut faire attention. Tout ça bi'juhud ahl al-ilm. Ils ont fait des sacrifices énormes. Que ce soit dans leur nefs, que ce soit avec leur entourage, que ce soit, ils ont délaissé كثير من المباحات الدنيا, tout ça, ils ont fait tout ça pour faire des efforts fil ilm et pour montrer aux autres. Cette ni'ma, on doit être reconnaissant, nous. قال الإمام أحمد يدعون من ظل إلى الهدى. الدعوة. Ils font دعوة. C'est quoi le but de دعوة? يدعون من ظل إلى الهدى. Et d'appeler ceux qui se sont égarés à revenir sur le droit chemin, al-huda, al-haq. Le but, c'est pas d'avoir des suiveurs, abadan. Le but, c'est pas ad-dunya, abadan. Le but, c'est pas de gagner de l'argent au nom de da'wa, abadan. Le but, c'est hada. Yad'ouna man dhalla ila al-huda. Et ça nous montre, anna, chacun de nous, on doit avoir cette niya. Anna, la nafrah si un tel s'égare. Ça ne doit pas nous réjouir qu'un tel s'égare, khasatan si c'était un musulman, khasatan s'il était à la khayr. Là, c'est une monsiba. Et si on peut montrer à wahid, guider bi'idnillahi azza wa jal, à lui montrer bi'ilm wa al-hujaj pour qu'il revienne, on doit faire des efforts fi hada. Amma se réjouir, se vanter, faroubama tubtala fi nafsik. Peut-être qu'un tel s'est égaré dans ce domaine, peut-être que celui qui se moque, probablement une autre fitna, ou la yafham, il s'égare, ayyadun billah. Fa an-niyya, avoir une bonne intention, vouloir le khayr pour les autres. Si on peut montrer ça, ça ne veut pas dire qu'on se mélange si c'est un munharif. Là, lakin, si on peut montrer au monde, si on peut faire da'wah, on fait da'wah, si tu fais da'wah, fa tayyib, amma se mélanger, fa la, avec ahl al-batil wa al-bid'ah. Qala, wa yasbiruna minhum ala al-adha. Al-alim, il veut du bien pour les autres. Et beaucoup de gens, ils font du mal aux savants. Imma avec un comportement, imma avec une parole, imma avec des accusations, imma avec de la précipitation. Lakin min sifati ahl al-ilm, as-sabr, yasbirun. Ça nous montre qu'on doit patienter sur al-juhad. On doit patienter sur les autres. Amma wahid, il te fait quelque chose, khalas. Al-hajr, etc. Là. Là, les Anna, avec cette méthode, il ne restera plus personne. Tout le monde se trompe. Illa man asamahu Allah subhanahu wa ta'ala min al-anbiya wa al-rusul. Qala, yuhyuna bi kitabillah al-mawta wa yubassiruna bi nourillah أهل العمى يحيون بكتاب الله الموتى. Ça montre que celui qui délaisse le Coran, celui qui délaisse le Huda, في الحقيقة il est ميت. ولو كان حيا ولو كان يمشي في الحقيقة il est comme un mort. العلماء بإذن الله عز وجل يحيون هؤلاء بماذا؟ بكتاب الله. Ça revient, et c'est ça le shahid, c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a cité هذه الخطبة هنا, ça revient à tout ce que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a déduit du verset يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Et les ulama, ils font da'wa avec le kitab, le Coran et avec le sunnah. Et هنا, يُحْيُونَ, ils font da'wa بِكِتَابِ اللَّهِ. Ça nous montre que la da'wa, c'est via le Coran et via le sunnah. Ça nous montre que ذلك, plus l'insan s'écarte des textes et du droit chemin, plus il ressemble à un mort. Et هنا, c'est le cœur. أما الجسم ربما il est vivant, لكن son cœur il est ميت si il s'écarte des textes. فانظر مثلا الكفرة, ils sont vivants, لكن القلب il est ميت. لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. Pourquoi? لأنهم ils se sont écartés de الوحي. العلماء بكتاب الله ils font revivre هؤلاء أي بالدعوة. Et هذا c'est un فعشي, c'est un فعشي de montrer à un égaré الهدى et il suit le droit chemin par ta cause. Ça c'est un فعشي. C'est encore plus important que واحد il aide quelqu'un madien avec de l'argent il a akhira. Ça c'est طيب, c'est nafi. لكن aider ton frère avec l'ilm et lui montrer c'est un فع. قال ويبصرون بنور الله أهل العمى. Ça montre أن celui qui s'écarte des textes c'est comme s'il était aveugle. C'est comme s'il était dans un endroit obscur. لا يرى ولا يبصر. فكمن هذا il va suivre le طريق. فتأمل واحد لو s'il est dans un endroit c'est obscur, ربما il y a des trous, ربما il y a des animaux féroces, ربما il y a des choses, des bouts de verre, des chocs qui peuvent lui faire du mal, et il est fi ظلمة, dans un endroit obscur. فكيف هذا il va avancer, même s'il veut avancer il va se faire du mal, ربما il se blesse, ربما il tombe. العالم بإذن الله عز وجل c'est comme un nour. Pourquoi? لأنه il va appeler هذا الشخص, il va montrer هذا الشخص بالنور أي بالقرآن وبالسنة. فالعالم c'est comme s'il venait il éclairait l'endroit avec une lampe. C'est une ni'ma azima. Et si l'endroit il est éclairé, هذا الإنسان il pourra voir. Il pourra voir un tel chemin il peut l'emprunter, tel chemin il doit s'écarter, il doit faire attention s'il y a un trou, s'il y a quelque chose qui le gêne, et بإذن الله il avancera. ففضل العلم والعلماء il est كبير. فلهذا نحن دائما on doit pas oublier l'ilm et son importance, et كذلك ceux qui propagent هذا العلم العلماء. قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. إبليس اللعين عدو الله il fait tout pour écarter l'insan du haq. حتى هذا الإنسان si s'écarte du haq il devient comme un mort. قتيل, c'est comme s'il est mort. ولو يمشي على الأرض. فالعلماء ils font tout pour faire revivre هذا الإنسان بإذن الله عز وجل avec الوحي, avec les preuves du Coran et de la Sunna. Iblis il fait tout pour égarer, ou les ulama ils font tout pour montrer à هذا الشخص pour qu'il revienne à la sirat al-mustaqim ou ila sirat al-mustaqim. قال وكم من ضال تائه قد هدوه بإذن الله عز وجل. هداية بيان وعلم, تقدم معنا les deux catégories de هداية. فما أحسن أثرهم أو فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. C'est quelques phrases que l'imam Ahmed rahmatullah alayhi il a cité. Tu comprends mieux l'importance des savants et l'effet, walillahi alhamd, bénéfique qu'ils ont sur l'umma. Annahum ils montrent, annahum ils font des sacrifices, annahum ils patientent, annahum ils veulent le bien. Ba'dhum ils donnent de ses biens pour montrer à un tel et pour aider un tel. فلهذا قال فما أحسن أثرهم على الناس. أي les traces, les effets qu'ils ont sur les gens, c'est un effet طيب. وما أقبح أثر الناس عليهم. أما en général les savants ils sont éprouvés par al-bashar. Ils se font critiquer injustement. بعضهم يطعنون فيهم بالشده alors que il mérite pas بعضهم عياذا بالله السمك بل بعض العلماء قتلوا ils ont été assassinés ou blessés par certains égarés عياذا بالله فاثر الناس للقبي على هؤلاء لكن هكذا من رفعه الله عز وجل في هذه الدنيا يبتليه الله يبخوف ceux qu'il aime. Et on a déjà cité les épreuves que Ibrahim alayhi salatu salam il a subi, ils l'ont jeté fin nar. Moussa alayhi salatu salam kadhalik, Youssouf alayhi salatu salam il a été emprisonné sinin bi ghayri haqq pour aucun dhanb et des années fi sijn. Ta'ammalu qissat Youssouf fiha fawaid kathira. Lakin Allah rafa'a. Et celui qui lit sourate Youssouf bi ta'ammul wa tadabbur fiha fawaid عظيمة. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. Lakin, alhamdulillah, celui qui patiente, fa'al'aqibatu lahu bi'idnillah. Qala, yanfuna an kitabillah tahrif al-ghalin, wa intihal al-mubtilin, wa ta'wil al-jahilin, alladhina aqadu al-wiyata al-bid'a, wa atlaqu inan al-fitna. Ça c'est parmi les a'mal de ha'oula al-ulama. Qala yanfuna an kitab illa tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Bil-rudud al-ilmiya. Al-ulama y met en garde contre les choubah, contre tahrif al-dullal. Ba'duhum y déforme les textes, que ce soit fil asma et wassifat ou autre. Al-ulama y raddoun. Et y montre. Et c'est une rahma. C'est une épreuve pour l'ibad. Et c'est une rahma. Allah Azza wa Jal y il a facilité, il a guidé بعض الناس pour montrer le haq. قال الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب. هؤلاء c'est الضلال. الإمام أحمد رحمة الله عليه montre وصف هؤلاء أي qui ont délaissé la voie d'أهل العلم et qui se sont égarés. مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. Et ils sont divisés entre eux. Kadhalik, ils ne suivent pas le Coran. Iyadan billah, ils ne suivent pas le Sunna. Qala mujmi'una ala mufaraqati al-kitab, yaquluna ala Allah, wa fi Allah, wa fi kitab Allah, bi ghayri ilm. Parmi leurs awsaf, al-ikhtilaf, parmi les caractéristiques de ha'oula al-dullal, al-ikhtilaf, ayyannahum, ils divergent entre eux. Limada li'annahum, ils ne sont pas sur le haq. Wa law kana min indi ghayri Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Al-khilaf, ça montre que l'insan n'est pas sur le haq. Et ta'amma l'ahl al-ba'til, que ce soit fussifat ou autre. Hada y harraf avec tel sens, hada y harraf avec un autre sens, hada y rejette, hada y fait du tafouit, ayyadan billah, hada y fait du tamthil. Ils sont tous à la shur, à la ba'til. Pourquoi? Qala, yakuloun ala Allah, wa fillah, wa fi kitabillah, bi ghayri ilm. Toujours on revient, anna asla sa'ada, c'est l'ilm. La base, c'est l'ilm. Bien sûr, avec l'amal et da'wa. Mais la base, c'est l'ilm. Fa'a'oula, ils se sont égarés. Les malades, les annahum yatakallamouna bi ghayri ilm. Celui qui parle bila ilm, fil haqiqa, il ressemble à ahl al-ahwa et al-bida'. Et il a ouvert la porte de al-hawa et al-bida'. S'il ne revient pas, fa'rubbama yatakallam fi mas'ala, thumma une autre, thumma une troisième, thumma une quatrième, thumma yahlak yanharif. Pourquoi? لأن parler sans ilm, c'est طريقة هؤلاء الضلال. أما celui qui ne sait pas, et il dit Allahu a'lam, et il demande, et s'il ne sait pas, il s'arrête, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, s'il fait des efforts, il n'arrive pas à trouver, Allah il n'impose pas à personne au-dessus de sa capacité. هذا inshallah il est à la خير. لكن المصيبة, c'est celui qui ne sait pas, et il dépasse les limites, et يتكلم. هذا il se fait du mal, et il fait du mal aux autres, et c'est طريقة أهل الزير. فلهذا قال الإمام أحمد يتكلمون بالمتشابه من الكلام فمن صفات أهل البدع والأهواء أنهم يبغل بلا علم إما c'est fondé sur التعصب tel شيخ il a dit tel imam il a dit alors que ça contredit les textes إما c'est fondé sur des rêves إما c'est fondé sur des histoires قصص خرافات المهم c'est pas fondé sur العلم. Et ta'amma l'hal ahl al-bid'a wa al-ahwa, que ce soit al-rawafid, que ce soit al-soufiya, que ce soit al-khawarij, que ce soit al-jahmiya ou autre, tu verras que leur aqwal, leur usul, c'est parce qu'ils ont parlé sans ilm. Et ils agissent sans ilm. Donc la première sifa de Ahl al-Bid'a wal Ahwa et Jami' Ahl al-Batil, c'est parler sans ilm. La deuxième, قال من قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام أي يدلس المحكم les choses claires et يسويب المتشابه كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أما ceux qui ont une maladie dans le cœur عياد بالله يدلس les choses claires et يسويب المتشابه. Et on a expliqué كثيرا هذا. الخوارج انحرفوا من هذا الباب. Ils ont délaissé les versets clairs sur Fadl Ahl al-Tawhid. Et ils ont pris des choses فيها شبه équivoque متشابه. Ils se sont égarés. كفروا المسلمين. معنا les versets sont clairs. On a celui qui meurt على الإيمان على التوحيد. C'est un مؤمن. Ils ont appliqué les versets sur le kuffar sur عصات الموحدين. انحرفوا. Pourquoi ? Les annahum, ils ont suivi le mutashabih. Et ça, c'est une maladie. Wa'adhanas, des masa'il wadiha. Au lieu de faire des efforts, apprendre le Coran et le Karim, apprendre shay min as-sunnah, faire des efforts dans le comportement, dans l'accomplissement de la salat, sortir la zakat, faire le hajj, faire des efforts fil ilm, ils délaissent tout ça et da'iman fi al-mutashabih. Des choses, des masa'il bizarres, étranges, shubha. Et أحيانا المسألة فيها خلاف واسع يا بين غراند ثمرة فبعض الناس يبيرد لوغ طون في هؤلاء اي ديليس لي شوز واضحة هؤلاء بوركوا لأنهم يزون ديليسي سبيل الرسل اي تأثروا بسبيل المجرمين المنحرفين أما السني يفي تو بوغ أبليكي الواضح اسكو أنا كومبخي القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس pour perdre notre temps dans des masaïl futiles. بعض الناس يperdent leur temps dans des rêves, dans des khurafats, dans des... Est-ce que tu as compris le Coran et le Karim? Tu as compris le Coran, tu l'as appris? Est-ce que tu as appris et compris le sunnah pour perdre ton temps في الجدال الفارغ? أما الذين في قلوبهم زيغ الزيغ c'est le dalal, c'est l'inhiraf, c'est l'égarement. فيتبعون ما تشابه منه. Ça montre que ceux qui suivent les choses فيها شبه متشابه, c'est pas clair, et délaissent le واضح, ça montre qu'ils sont malades. بنص كلام الله عز وجل. قال ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. C'est qui les proies de هؤلاء أهل الضلال والشبه والمتشابه? C'est qui? C'est Al-Juhal. وَيَخْدَعُونَ جُهَالُ النَّاسِ أَمَّا الْعَالِمِ celui qui est à la basira min amri, أولاً il ne se mélange pas à هؤلاء. فَالْحَمْدُلِلَّهِ il est préservé. Et si une shubha arrive à ses oreilles ou un égarement, فَالْحَمْدُلِلَّهِ il revient à l'ilm. Et il ne parle pas sans ilm. Et il ne se précipite pas. هذا il est préservé. أَمَّا celui qui se mélange à هؤلاء, خَاصَّةً s'il n'a pas de ilm, ça devient une proie. Toutes les choubahs de Haoula, il les prendra. Même s'il veut comprendre, même s'il a une bonne niya, ça lui fera beaucoup de mal. La solution, c'est de faire des efforts fil ilm, de revenir à Ahl al-Ilm, tadalik faire des efforts pour connaître tariqat Ahl al-Batil wa al-Zayr, connaître les groupes égarés, leurs fondements, et revenir à Ahl al-Ilm pour comprendre leur égarement, et surtout ne pas se mélanger à eux. Tout ça, bien sûr, avec le dua. C'est pour ça que l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il a conclu هذه الخطبة الجميلة, et cette introduction de son livre, il l'a conclu بقوله فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتَنِ الْمُضِلِّينَ لِأَنَّ celui qui est préservé, c'est celui qu'Allah préserve. Tout ce qu'on cite, c'est des efforts. C'est des asbab. Et des efforts fait l'ilm, ne pas se mélanger. أَمَّا الْقُلُوبُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ فَلِهَذَا الْإِنسَانِ il fait les causes. Et il n'oublie pas la base, al-du'a. Car il demande toujours al muslim fi sujoudihi, fi qiyamihi, fi layl, fi quand il est sa'im, al-da'wa al-mustajaba, an Allah subhanahu wa ta'ala yujannibahu al-fitan wa ahl al-fitan. Léanna si Allah nous exauce hada al-du'a, on sera préservé. Même si tu es critiqué, même si Fulani parle, même si Fulani met en garde, ça fait aucun mal si Allah, ça fait aucun mal si Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Et si Wahid te zakki par le bien en toi, et tu as beaucoup de suiveurs, et tu es pas à l'haq et Allah ne t'a pas guidé, c'est d'aucune utilité. Ou alors tu as des millions de suiveurs. Hada, والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا والحمد لله.